Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Il y a les bonnes histoires et les mauvaises histoires, je veux dire celles que l'on raconte et qui ne fonctionnent pas. J'ai voulu en savoir plus sur les mauvaises histoires en la compagnie d'un professionnel de l'histoire, d'Anne Frank, romancier, scénariste, plus d'une centaine d'histoires à son actif. Il publie Scénario chez Grasset, un très bon livre, l'histoire d'un scénario transformé en série ratée. Et tiens, il a aussi écrit le scénario d'une série, la série Marseille. J'avais tout organisé. J'ai trouvé l'homme de paille. Je lui ai mis le pied à l'étrier, je l'ai poussé devant moi. Quand même pas m'être trompé à ce point. Il est évident que vous représentez le passé. Et que je représente l'avenir. Je vais t'arracher Marseille des mains. Et tu finiras seul, tout seul, sans rien. Alors Dan Frank, c'est rigolo parce que tu publies Scénario chez Grasset qui raconte l'histoire d'un scénariste lequel fait le scénario d'une série qui se passe à Marseille. Et puis alors par ailleurs, tu as été le scénariste de la saison 1 de Marseille. Marseille, c'était une saison ratée pour toi ? C'était une saison, je dirais, incomplète, une série incomplète. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Scénario, c'est que je voulais raconter le Marseille tel que moi je l'avais vu. Je voulais raconter la manière dont on crée une histoire, dont le rapport entre l'imaginaire et la réalité. Et dans le livre Scénario, je ne raconte absolument pas la même histoire que celle interprétée par Depardieu et Magimel, puisque je raconte l'histoire d'une bande de faux monnayeurs. Alors, est-ce que la saison Marseille, le problème de Marseille, ça a été très mal reçu en France, très mal reçu en France, avec des audiences, cela dit, qui sont pas trop mauvaises, mais c'était un vrai carton à l'étranger, en Amérique latine notamment. En France, oui, on a été massacré, d'abord pour des tas de raisons, des raisons injuste, c'est-à-dire la trouille de la venue de Netflix en France, qui était un grand concurrent pour Canal et pour les chaînes françaises, et pour des raisons qui sont des raisons objectives, c'est-à-dire que la série était, je dirais qu'elle était en deçà des espoirs qu'on avait placés en elle. C'est-à-dire ? Quand tu dis que le réalisateur ne te suit pas, quand tu explique en fait comment le scénario que tu avais imaginé a été dévasté par le réalisateur qui avait été choisi. J'ajoute évidemment qu'il n'y a aucun lien entre ce que tu racontes et ce qui s'est passé dans la vérité. Bien entendu, ça va de soi. Non mais, scénario dans le livre, finalement, la série remporte tous les succès du monde puisqu'elle a tous les prix. Donc ça veut dire que dans l'opposition qui existe entre le scénariste et le metteur en scène, c'est le metteur en scène qui gagne puisque c'est sa vision qui l'emporte. Dans la série Marseille, telle qu'on l'a vue sur Netflix, c'est un peu différent. De toute façon, c'est toujours la vision du réalisateur qui l'emporte. Alors parfois, c'est une vision qui est positive, qui transcende positivement le scénario, et parfois, c'est l'inverse. Marseille, c'était le résultat de Marseille, c'était quelque chose qui correspondait pas tellement à ma sensibilité et à mon attente, au point d'ailleurs que je signe le générique des mentions minimum, mm-hmm. et que honnêtement, dès le début du tournage ou de la vision des premiers rushs, j'avais envoyé une lettre au producteur, j'avais demandé à mon agent d'intervenir parce que les dialogues et le scénario étaient quand même extrêmement modifiés, et que je me disais on va peut-être pas à la catastrophe, mais en tout cas vers quelque chose qui n'est pas ressemblant à ce que moi j'avais imaginé. Mais tu racontes dans ton livre comment ton scénariste, le personnage de ton scénariste, protège ses personnages. Ben oui, parce que, alors ça c'est l'histoire du livre, ces faux monnayeurs que je raconte et qui n'ont donc aucune relation avec la série Marseille, ce sont des vrais personnages, et que ce soit d'ailleurs des vrais ou des faux, parce qu'on les habille, on les masque, on les transforme toujours, on s'y attache, on est très attaché à ces personnages. Quand on est écrivain ou même scénariste, surtout quand on écrit des séries, c'est un travail assez long, vous vivez avec ces gens-là pendant un an, deux ans, de nombreux mois, et vous les aimez, vous avez une réalité schizophrénique extraordinaire. D'un côté, vous vivez avec votre famille et vos amis, et de l'autre, vous retrouvez ces personnages qui n'ont de sens que pour vous. Et alors, pourquoi les protège-t-on ? Parce que, après tout, une série, c'est un travail collectif, donc peut-être Bien que sûr. Le scénariste n'a pas entièrement raison, peut-être que le réalisateur veut faire des personnages quelque chose de plus intéressant. Absolument. Mais je pense d'ailleurs que, encore une fois, comme la vision artistique est celle du metteur en scène, c'est la vision du metteur en scène qui compte, et le scénariste peut tout à fait se tromper. Je crois simplement que dans une œuvre collective comme celle-ci, s'il n'y a pas d'entente entre le metteur en scène et le scénariste, c'est très difficile, surtout sur les séries. Pourquoi ? Parce que les séries, c'est 8, 6, 12 épisodes, donc c'est un travail très long, c'est comme un roman, et celui qui connaît le mieux l'histoire, c'est quand même le scénariste qui a exploré toutes les pistes, toutes les contradictions qui a été confrontée à différents interlocuteurs et qui finalement arrive à trouver une histoire qui corresponde à peu près aux exigences des uns et des autres. Si on ne respecte pas et si on ne connaît pas tous les chemins par lesquels il est passé, on va vers le plantage souvent. Le personnage de ton scénariste, il est confronté à une situation assez simple. Il a un réalisateur qui lui dit, bah, par exemple, il faut plus de scènes de sexe. Oui, alors... Mais alors, ça sent les recettes. On se dit, par exemple, que le public attend des scènes de sexe, des scènes de violence, etc. C'est vrai ou c'est faux ? C'est partiellement vrai. Je dirais par là que souvent vous avez des exigences des producteurs et des diffuseurs qui vous demandent plus ou moins de sexe, plus ou moins de débats intérieurs, de rapports différents entre les personnages. Mais maintenant, quand vous écrivez une scène de sexe, vous ne la décrivez pas, vous l'écrivez, vous dites ils font l'amour, ou voilà. Après, et puis vous marquez éventuellement une intention de domination ou non. Après, la manière dont c'est filmé, ça vous regarde pas, c'est pas vous. Et c'est là où l'œil du metteur en scène est extrêmement importante et complète celle du scénariste. Celui du scénariste. Bah là, non seulement ça ne te regardait pas, je parle toujours du roman scénario, mais on t'a gentiment prié de ne pas assister au tournage. Oui, alors ça c'est vrai pour la série Marseille aussi. Ah bon oui, absolument. Non, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que d'une manière générale, les metteurs en scène n'aiment pas que les scénaristes aillent sur le tournage. Et d'ailleurs, de toute façon, le tournage est rien de plus ennuyeux que des tournages, puisqu'on répète toujours les mêmes scènes, vous connaissez ça très bien. Le metteur en scène n'aime pas... On peut le comprendre. Vous avez le créateur d'un film qui est celui qui a écrit, qui est parfois est coproducteur, souvent directeur artistique. Quand il vient sur le plateau, c'est vrai que ça frustre le metteur en scène et que dans l'histoire que je raconte dans le scénario, il a en effet viré le scénariste. Effectivement, il est viré. Le résultat donc a été considéré par la critique comme, disons, imparfait. Ça n'est pas le seul scénario que tu as écrit, Dan, loin s'en faut, puisque tu en as fait plus d'une trentaine. Et notamment, ton premier était un film avec Yves Montand, Vincent Lindon, Patrick Chesnais. On en écoute un extrait, il s'agit de Netchaïev et de retour, signé Jacques de Ray. C'est sorti en 1991. Tu l'aimes encore ? Non. Tellement bizarre de parler de lui au présent. T'imaginais qu'on va le revoir. Tu te rends compte, Élie, quand il est parti, j'avais 25 ans. À chaque fois qu'on prononçait son nom, culpabilisait. Un ami du temps dépassait la contradiction. Il se reprochait d'avoir abandonné, de faire du fric. On a même admiré Netchaïev. Non, c'est loin. Si loin, tout ça. Brigitte imagine que ce soit Daniel qui ait fait abattre Pérez. Et pourquoi ? C'était pas un assassin. C'était pas. Alors, on continue dans les bonnes et les mauvaises histoires d'Anne Frank. Netchaïev est de retour. C'est ton premier scénario. Scénario assez impressionnant, puisque il y a notamment Montand dans le casting. C'est une bonne ou une mauvaise histoire ? Écoutez, c'est une histoire... Au départ, j'aimais pas l'histoire. C'est-à-dire que c'est le scénariste outrecuidant et prétentieux. On lui propose un premier film et il trouve le livre de Sampoun pas terrible, notamment parce que c'est l'histoire d'un gauchiste qui revient et qui veut tuer ses anciens camarades. Et en fait, c'était quelque part un règlement de compte contre Julie et cette bande-là. Et moi, j'avais refusé. Serge Julie. Et je le patron de Libération à l'époque. Oui, le patron du je le dis pour les plus jeunes. Bien sûr. Et moi, ça me plaisait pas, ça. Donc, en fait, j'avais refusé. Et là, mon agent, j'avais pris un agent, s'est vraiment moqué de moi en me disant, mais attends, tu veux faire du cinéma, tu as la prétention de refuser un film avec Montand et Lindon. Donc, je me dis, bon, d'accord. Donc, je me retrouve chez Montand avec Sampoun à côté. Et je dis, voilà, moi, je trouve ça bien, mais il faudrait que je modifie cet aspect de la chose. Sampoun était furieux. Et Montand, je me souviens très bien, je m'en souviens toute ma vie, a posé sa main sur l'épaule de son copain Sampoun. Et il lui a dit, le petit a raison. Donc, on a fait ce film. C'était une tension également, d'ailleurs. Ça m'est arrivé rarement, mais dans ces deux cas de figure, Marseille et Netchaïev, une tension avec le metteur en scène, qui vient peut-être du fait qu'on est écrivain et qu'on a envie de s'impliquer, de voir. Puis moi, c'était mon premier tournage, j'avais envie, voilà. Et puis le film a été un échec. Les rapports avec Montand étaient formidables, avec le metteur en scène moins bon. Et en fait, ce qui m'intéressait dans l'exemple de Netchaïev, c'est le poids de l'échec. C'est-à-dire que après avoir vécu cet échec-là, c'est comme l'échec d'un premier roman que je n'avais pas publié. Vous mettez des années à vous en remettre. Moi, j'ai mis 10 ans avant de revenir au cinéma. C'est-à-dire j'avais plus envie. Mais parce que on est meurtri. Les échecs meurtrissent terriblement. Donc, meurtri. Concrètement, tu doutais de toi, tu doutais de ce que tu étais capable de faire, les gens te considéraient comme un chat noir. Bon, la critique, vous savez, la critique, elle s'adresse à soi-même. C'est-à-dire que même si c'est un ensemble qui est jugé, on en prend plein la gueule, quoi. Mon travail avait été critiqué d'une manière négative, le film en général, mais le film en général, il y a aussi une part du scénariste, faut pas exagérer. On est partiellement responsable aussi. Et c'était quelque chose de très dur à vivre. Donc on se replie sur sa coquille ou on fait autre chose. Et moi, je suis revenu à la littérature et j'ai abandonné le cinéma pendant 10 ans, de la même manière que quand j'ai voulu publier un premier roman qui a été refusé partout et pour de bonnes raisons, parce qu'il était très très mauvais, j'ai mis 10 ans à m'en remettre. Après, j'ai continué à écrire, mais j'arrêtais 10 pages avant la fin pour ne pas le présenter à des éditeurs. Tu vois un peu le fonctionnement. Mais alors, si je connais bien mon Dan Frank, tu as eu le Renaudot pour La séparation en 1991. Autrement dit, l'année où Netchaïev est de retour est sorti. Et ensuite, tu as publié un autre roman, Jeune fille. Oui, c'est une jeune fille dont... c'était pas un très bon livre. C'est-à-dire qu'en fait... Tout livre est, enfin, c'est la même incertitude quand on commence un livre. C'est exactement la même chose. On sait pas où on va. C'est dangereux. On pense qu'on va se casser la gueule. On sait pas si on a un livre. On se dit qu'on va peut-être arrêter. Et quand vous sortez du Renaudot avec un livre qui a une presse d'enfer, qui est traduit dans le monde entier. La séparation. Alors, évidemment, vous avez des trucs sur les épaules et c'est compliqué d'écrire après. On le dit souvent. C'est très compliqué. Et une jeune fille était un échec relatif. J'avais dû profiter quand même du sillage du Renaudot, mais le livre n'était pas très bon. Pourquoi il n'était pas très bon? Qu'est-ce que c'est un mauvais livre? Je veux dire, un mauvais livre que tu as écrit, donc dont tu connais les coulisses et... L'idée est bonne, le traitement est pas bon. C'est l'histoire d'un type qui vit dans un village cathare qui s'appelle le Carlabail et qui regarde une femme en bas qui est très belle, qui fascine absolument tous les hommes du village, et en vérité qui est malade, voilà. Et puis finalement, elle choisit de temps en temps, elle choisit un homme et puis elle lui dit de venir et elle a une histoire avec lui qui dure 24 heures et elle finit par choisir le narrateur et elle meurt à peu près dans ses bras. Voilà. Bon, c'est une histoire tout à fait romantique, tout à fait un peu mystique et je l'ai mal mené. Est-ce qu'on peut sur la foi de cette trame narrative décider que c'est une mauvaise histoire? Non. C'est pas une histoire formidable, c'est pas une histoire extraordinaire. Je sais pas qu'est-ce qui lui manque puisque c'est toi le professionnel des histoires. Il lui manque, c'est trop introspectif, je pense. C'est trop dans l'introspection, c'est trop dans une description intérieure. Ça bouge pas vraiment. Ça bouge même assez peu intérieurement. C'est pas forcément bien structuré. Si j'avais à le refaire, je le referais pas. D'ailleurs, c'est toujours très intéressant quand vous avez des livres qui sont publiés en poche parce que vous les relisez, enfin vous les corrigez, et je peux plus le faire d'ailleurs maintenant parce que c'est ce rapport à soi est quand même quelque chose de très compliqué parce que c'est un rapport narcissique fait de détestation et de bizarre quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai relu ce livre-là pour le passer en poche un an après sa parution, je trouvais que c'était pas un très bon livre. Et Les Misérables, c'était un bon livre? Les Misérables de Victor Hugo. Mais c'est je précise quand même. C'est un chef-d'œuvre. c'est un chef-d'œuvre, mais c'est très intéressant la conception, la fabrication des Misérables, parce que les Misérables, Victor Hugo le commence dans les années 40, 1848 à peu près, il le publie en 1860. Un an près ou deux ans près. Tout le monde attend ce livre parce que Victor Hugo est une figure extraordinaire. Il est exilé, il est à Guernesey. De temps en temps, il publie des poèmes ou des pièces de théâtre ou des romans. Mais celui-là, c'est quelque chose d'énorme. Il est extrêmement attendu. Les éditeurs se battent pour l'avoir. Et finalement, c'est un éditeur qui travaille en Belgique qui l'obtient contre une somme énorme. Et le livre sort simultanément en Belgique et en France. Il est imprimé dans les deux pays pour que si jamais il y a censure, on se passera d'un pays à l'autre. Il est en cours de traduction dans plein d'autres pays. C'est exactement un lancement comme on en fait aujourd'hui quand ils sont réussis. Voilà, avec énormément de publicité. Et quand le livre arrive à Paris, les libraires ou les cabinets de lecture à l'époque plutôt font la queue pour l'avoir. Je crois que la première publication était de 100 000 exemplaires, ce qui est énorme. Donc, très grand succès populaire immédiatement. Donc, pas du tout un échec alors. Mais au niveau critique, un gros échec. C'est-à-dire que tous les écrivains de l'époque qui avaient une fascination pour Victor Hugo ont détesté ce livre. Les écrits de Dumas, de Baudelaire, de Flaubert, de Sainte-Beuve sont tous extrêmement négatifs. Pourquoi sur le livre. Et on lui reproche des choses en vérité. Quand on est objectif et qu'on regarde le livre, on se rend compte qu'il y a des digressions interminables sur Dijon, oui, sur des écarts politiques, sur des considérations morales, des choses que Victor Hugo a ajoutées quand il était en exil et qui n'était pas présente dans la première version du livre. Et à cet égard, au niveau de la réception critique par ses collègues et amis écrivains, c'était un échec. Mais c'est pour ça que le livre est critiqué, parce qu'il y a effectivement beaucoup de pages qui sont consacrées à des thèmes, comme tu dis, digressifs. Mais c'est-à-dire que, par exemple, il y a toujours un test assez intéressant, c'est faites lire Victor Hugo aux enfants, à des enfants de 13 ans, par exemple, des jeunes adolescents. Eh bien, moi, je l'ai fait lire à ma fille, mais je le lisais en même temps qu'elle, et je passais les digressions très longues, qui font 20 ou 30 pages, souvent, qui sont très très longues. Et je passais parce que je me suis dit, sinon, ça va la dégoûter de ce livre, qui est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Mais il y a, en effet, ces lourdeurs qui ont été critiquées à cette époque, et on n'ose pas forcément le dire aujourd'hui, mais c'était un échec critique. La réception littéraire n'était pas bonne. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu as une expérience considérable en matière de confection d'histoire, tu as écrit pour les autres, tu as écrit pour toi, tu as écrit pour le cinéma, pour des séries, est-ce que tu sais aujourd'hui ce qu'il faut faire pour qu'une histoire fonctionne, d'Anne Frank? Vous avez la recette à la Dumas, c'est-à-dire Sainte-Beuve appelait ça la littérature industrielle, c'est-à-dire des préceptes évidents qui sont faut commencer vite. C'est les règles du feuilleton télévision aujourd'hui. Hein. C'est exactement les mêmes que les règles du 19e siècle. Voilà. C'est aller très vite, rentrer dans les personnages, terminer par ce qu'on appelle les cliffhangers aujourd'hui, c'est-à-dire une manière d'accrocher le spectateur pour qu'il revienne à l'épisode suivant, et que Théophile Gautier appelait à l'époque dans les feuilletons les traquenards d'intérêt. Donc ce sont des règles comme ça qui sont exactement les mêmes, mais ça veut rien dire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de recette, en vérité. Il y a juste une articulation comme ça. Quand je faisais Borot avec Vautrin, d'ailleurs, je vais en refaire un, on appliquait ces règles qui viennent du feuilleton, mais qui sont des règles de lecteur. C'est complètement idiot, mais c'est aussi simple que ça. Cela dit, vous avez des techniques comme ça, un peu sur les feuilletons, qu'il faut respecter. C'est vrai, mais vous pouvez faire des très bons cliffhangers, des très bons démarrages et puis rater une série. Et puis il y en a d'autres comme par exemple Le Bureau des Légendes, qui est pour moi une des meilleures séries, sinon la meilleure série française, qui fonctionne pas toujours, en tout cas la première saison fonctionne pas forcément sur ces codes-là, et ça marche très bien. Ça veut dire vraiment qu'il n'y a pas de règle? On peut considérer pourtant que l'épaisseur donnée au personnage, le fait que il y ait sur les séries, oui. Sur les séries, oui. D'ailleurs, c'est ce que je raconte dans ce livre scénario, où quand même mon but, c'était de montrer comment on écrivait, comment c'était donner envie d'écrire à des personnes, à mes lecteurs. Dans le scénario, je raconte tout ça. C'est-à-dire, la façon dont il faut commencer vite, la manière dont il faut rentrer dans les personnages, les rendre attachants, les rendre intéressants, les rendre contradictoires. Ça, ce sont des règles évidentes qui sont... c'est comme un handicap au jeu d'échecs. C'est-à-dire, vous savez que vous partez avec ça au départ. Les séries, en général, les séries qui partent très lentement, donc qui ne respectent pas cette règle, en général, sont souvent des ratages au premier épisode, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça ne suit pas. Mais le premier épisode est très très important, puisque c'est ça qui fait l'écoute et qui fait que sinon on a envie de zapper et d'aller ailleurs. Merci beaucoup Dan Franck. Scénario, en tout cas, c'est un très bon livre et c'est publié aux éditions Grasset. Superfell a été foiré à la production par Anaïs Isebert, raté par Christophe Polano et dévasté à la réalisation par Alexandre Fougeron. Superfell.